grand-mère, con. Ce corps, dis la haut, tu peux pas t'aise, gros. Joue pas le gringo, les favelas sortent de chez nous. Même en chair, on a la capacité de sortir du trou. Rabat des Nike Air, on a la dalle. On a trop souffert sur ce terre-terre. J'te lance des carrages de rime. Joue pas le MC qui frime. Raconte pas des histoires trop bidons. Rabat les rembobines, mon rap va te péter tes tempas. Nique les flics contre nous, ils ont une dent. À chaque descente, ils veulent nous mettre dedans. J'aperçois une bande de narvalos me sourire, gros. La faucheuse me pisse, le chétan crête mon maître faux pas. Les gros de nos jours font les voyous et ça assume pas. Ils croient que la vie c'est un compte défait. Ça charbonne dans nos quartiers, les schmicks se font guetter. De nos jours, ça plante pour assumer leur respect. À voir que dans cette vie, la tête à tête n'est plus respectée. En réalité, trop de gens n'assument pas leur passé. Ils assument encore moins leur respect. Ils se disent dans la tête qu'il n'y a rien de bon dans l'avenir. En réalité, trop de gens n'assument pas leur passé. Ils assument encore moins leur respect. Ils se disent dans la tête qu'il n'y a rien de bon dans l'avenir. Mon sang provoque des turbulences, mes rimes vont se mettre en transe. Je qualifierai ton rap de transe. On a le sang 100% hardcore. Mon rap passe les rapports plus vite qu'un raptor. Mes regards dehors, tous les racistes en dort. J'ai la rage et sans papier, certains au fil du temps faut que regretter. L'Algérie, je la porte sur mon dos. Tlemcen, c'est mon fardeau. La Kabylie, c'est le frérot. J'rappe en direct de la rue, gros. Chaque jour y'a plein de drames sur ce macadam. Quand tu pour rien, ça sort les armes. Mentalité de Rouskov, Mikhaël caché dans le coffre. L'argent et les salopes, ça coupe. Machallah, jamais essoufflé. J'tape pour mon impro, j'arrive plus à m'arrêter. Valmont, un quartier chaleureux où les tarots et les tarots, c'est entre eux. Je changerai pas de religion pour tout l'or du monde. Quand t'attends un bruit bizarre, c'est que le tonnerre gronde. En réalité, trop de gens n'assument pas leur passé. Ils assument encore moins leur respect. Ils se disent dans la tête qu'il n'y a rien de bon dans l'avenir. En réalité, trop de gens n'assument pas leur passé. Ils assument encore moins leur respect. Ils se disent dans la tête qu'il n'y a rien de bon dans l'avenir. Ok, ok. Le rap ma vocation, nouvel album Roya. On a la dalle, on vient de la France d'en bas. On veut niquer le hala, on veut la réussite sans faire n'importe quoi. Ok, une dédicace à Valmont. Le quartier qui me va droit au cœur. N'essaye pas de détrôner, parce que nous on a trop grand cœur. Ok, ce dog à la prod de mes neufs, Roya. On a la dalle.